Suis-moi chez l'homme le plus riche de Dubaï. Il a une collection de voitures immense qui coûte plus de 100 millions de dollars. Il y a toutes les voitures les plus rares du monde, mais le plus ouf, c'est la manière dont sous ces voitures, on se croirait dans le futur. C'est une dinguerie. Il paraît qu'il y a plein de surprises et des trucs incroyables dans sa maison. Et là, on a vu juste le garage. Alors like si tu veux une partie 2.